Cinquième partie, chapitre 1 de la Commune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. La Commune par Louise Michel. Cinquième partie, depuis. Chapitre 1. Prison et ponton. Pour que soit libre enfin la terre, les braves lui donnent leur sang. Partout est rouge le suaire, et la mort va le secouant. Elle aime. C'est là qu'il faut serrer les lignes, pour dire en peu de mots des souvenirs si nombreux. Je revois Aubrive avec les étroites allées serpentant sous les sapins, les grands dortoirs, où soufflait le vent comme dans des navires. Les files silencieuses de prisonnières avec la coiffe blanche et le fichu plissé sur le cou par une épingle, pareil à des paysannes d'il y a 100 ans. Nous y étions venus à 20, de Versailles, en voiture cellulaire qu'on monta sur les rails et qu'on attela suivant les trajets à parcourir. Ayant été avertis seulement la nuit du départ, nous n'avions pu prévenir nos familles. Le lendemain était jour de visite, tout comme mon départ pour la prison d'Arras. Beaucoup d'autres, comme ma mère, vinrent à Versailles et reçurent la réponse que nous étions partis en centrale attendre la déportation. De cette nouvelle plutôt encore que du froid, ma mère revint glacée à Paris. Je ne sus que plus tard, quand elle vint habiter chez sa sœur à Clermont, pour être plus près de moi, qu'elle avait été dangereusement malade. Sans communication avec le dehors, autre que les visites, très rares et très courtes, de nos proches parents, nous étions seuls avec l'idée. Je serai forcé de parler plus souvent de nous et même de moi, puisque nos seuls événements étaient les arrivées de nouvelles prisonnières, sachant moins que nous, peut-être. De temps à autre, le tambour du village criait quelques décisions du gouvernement sur la place, s'arrêtant dans les rues pour recommencer la même lecture. Quand les fenêtres de ce côté étaient ouvertes et que le vent portait, nous entendions aussi bien que les habitants du village, ce qui était lu par ordre officiel. Les manifestes des Thiers, des MacMahon, des Broglie nous apprenaient que c'était toujours la même chose, dans la pire des républiques. Des ouvrages écrits à Aubrive, il ne me reste que quelques vers et quelques fragments. De la femme à travers les âges, publié dans l'excommunié de Henri Place quelque temps après le retour, quelques feuillets seulement. La conscience et le livre des morts sont perdus. J'ignore où se trouve le manuscrit du « Livre du bagne », dont la première partie, signée le numéro 2182, fut écrite à Aubrive, et la seconde avec tout l'océan entre les deux fut écrite à la centrale de Clermont, quelques années après le retour, et signée le numéro 1327. Est-ce que les œuvres et la vie de ceux qui luttent pour la liberté ne restent pas ainsi par lambeaux sur le chemin? Une immense étendue de neige, épaisse et blanche, c'était ce qu'on voyait des fenêtres d'Aubrive. Les salles sont grandes et sonores, l'aspect est celui d'une demeure de rêve hantée des morts. La Danaïde est partie en mai 72, la Guerrière, la Garonne, le Var étaient partis. La Sibylle, l'Orne, le Calvados, nous n'avions pas encore l'ordre du départ. Nous attendions, laissant les événements disposer de notre destinée. Calme comme ceux qui ont vu la mort d'une ville, sans cesser de sentir l'idée vivante. Quelques vers restent de cette époque, expriment les impressions d'alors. Hiver et nuit. Centrale d'Aubrive, 28 novembre 1872. Soufflé au vent d'hiver, tombe toujours aux neiges. On est plus près des morts sous tes linceuls glacés, que la nuit soit sans fin et que le jour s'abrège. On compte par hiver sur les froids trépassés. J'aime sous les sombres nuées, aux sapins, vos sombres concerts, vos branches du vent remuées, comme des harpes dans les airs. Ceux qui sont descendus dans l'ombre, vers nous ne reviendront jamais. D'hier ou bien de jour sans nombre, ils dorment dans la grande paix. Quand donc, comme on roule en sphère, aux morts pour les mettre au tombeau, sur nous tous verra-t-on notre air se replier comme un manteau, pareil au gamin qui devient gerbe, sur le sol arrosé de sang, l'avenir grandira superbe, sous le rouge soleil levant. soufflé au vent d'hiver, tombe toujours, ô neige, on est plus près des morts sous tes linceuls glacés, que la nuit soit sans fin et que le jour s'achève. On compte par hiver chez les froids trépassés. Le numéro 2182. L'hiver, dans les sentiers du jardin, sous les sapins verts, sonnaient tristement les sabots, aux pieds fatigués des prisonnières. Ils frappaient en cadence la terre gelée, tandis que la file silencieuse passait lentement. L'hiver est rude dans cette contrée. La neige épaisse. Les branches qu'elle alourdit s'inclinent vers le sol, pareilles à des rameaux de pierre. Dans la vaste salle où nous étions ensemble, les prisonnières de la commune venaient peu à peu de toutes les prisons où elles avaient été transférées, après leur jugement. Celles qui vaillamment avaient combattu, d'autres qui avaient fait peu de choses. Madame Lemel, Poirier, Excoffon, Maria Boire, Madame Goulet, Madame Deletra, et autres ne se plaignaient pas, ayant servi la commune. Madame Richoux ne se plaignait pas non plus, mais sa condamnation était inique. Voici ce qu'elle avait fait. Une barricade place Saint-Sulpice était si peu haute qu'elle servait plutôt contre que pour les combattants. Elle, avec son calme de femme bien élevée, prise de pitié, s'en alla tout simplement hausser et faire hausser la barricade avec tout ce qui se pouvait. Une boutique de statues pour les églises était ouverte je ne sais pourquoi, et elle fit porter en guise de pavé qui manquait les seins d'assez de poids pour cela. On l'avait arrêtée, très bien vêtue, gantée, prête à sortir de chez elle. Elle sortit en effet pour ne rentrer qu'après l'amnistie. « C'est vous qui avez fait porter sur la barricade les statues des saints ?»« Mais certainement, dit-elle, les statues étaient de pierre et ceux qui mouraient étaient de chair. » Condamnée pour le fait à la déportation enceinte fortifiée, sa santé était si chancelante qu'on ne put l'embarquer. Une autre, Madame Louis, déjà vieille, n'avait rien fait. Mais ses enfants, eux, s'étaient battus contre Versailles. Elle avait tout laissé dire contre elle, à son jugement, s'imaginant que sa condamnation les sauvait. Elle le crut jusqu'à sa mort, arrivée en Calédonie, et personne de nous n'osa jamais lui dire que, suivant toute probabilité, ses enfants étaient morts. Ils ne pouvaient, pensa-t-elle, lui donner de leurs nouvelles. Une autre, Madame Rousseau-Bruteau, que nous appelions « la marquise », à cause de son profil régulier et jeune sous ses cheveux blancs, relevés comme au temps des coiffures poudrées, était là surtout à cause de la similitude de nom d'un de ses parents. Elle n'était certainement pas hostile à la commune, mais elle devint beaucoup plus révolutionnaire après le voyage de Calédonie qu'elle ne l'était avant. Madame Adèle Viard était dans les mêmes conditions. On la crut parente du membre de la commune Viard. Elle n'avait que soigner les blessés. Élisabeth Rétif, Suétan, Marchais, Papavoine, commuée de la peine de mort aux travaux forcés, avait uniquement soigné les blessés. Elles n'en allèrent pas moins toutes quatre à Cayenne, d'où Rétif ne revint jamais. Le mardi 24 août 1873, à 6 heures du matin, on nous appela pour le voyage de la déportation. J'avais vu ma mère la veille et remarqué pour la première fois que ses cheveux avaient blanchi, pauvre mère. Elle avait encore deux de ses frères et deux de ses sœurs. Tous l'aimaient beaucoup. L'une de ses sœurs, assez à son aise, devait la prendre avec elle. Beaucoup d'autres n'étaient pas aussi tranquilles que moi sur le compte des leurs. Je n'avais donc pas à me plaindre. On nous appela en suivant la liste envoyée par le gouvernement. Élimination faite des malades, qui furent plus malheureuses en prison que nous en Calédonie, et des âgés. Nous étions 20, dans l'ordre suivant, je crois. Numéro 1, Louise Michel. 2, Madame Lemel. 3, Marie Cailleux. 4, Madame Leroy. 5, Victorine Gorget. 6, Marie Magnan. 7, Élisabeth Dégui. 8, Adèle Desfossé, femme Viard. 9, Madame Louis. 10, Madame Ball. 11, Madame Taillefer. 12, Théron. 13, Madame Leblanc. 14, Adélaïde Germain. 15, Madame Orloska. 16, Madame Bruteau. 17, Marie Broum. 18, Marie Smith. 19, Marie Cailleux. 20, Madame Chiffon et Adeline Régissard vinrent seulement un an ou deux après. On comptait à l'époque de notre départ 32 905 décisions de la justice de Versailles, parmi lesquelles déjà 105 condamnations à mort, dont heureusement 33 par contumace. Cela continua toujours. 46 enfants au-dessous de 16 ans furent placés dans des maisons de correction pour les punir de ce que leur père avait été fusillé ou de ce qu'ils avaient été adoptés par la commune. Beaucoup de ceux qui avaient été emprisonnés étaient morts. Le gouvernement avoua 1179 de ces décès. En 1879, la justice de Versailles fit le recensement général de ce qu'elle reconnaissait officiellement. Il y avait eu 5000 soldats et 36 309 citoyens entre leurs mains. Les condamnations à mort se montaient alors à 270, dont 8 femmes. Ce recensement général est ainsi exposé. Histoire de la commune de Lissagaray, en la date du 1er janvier 1871. Peine de mort, 270, dont 8 femmes. Travaux forcés, 410, dont 29 femmes. Déportation dans une enceinte fortifiée, 2989, dont 20 femmes. Déportation simple, 3507, dont 16 femmes et un enfant. Détention, 1269, dont 8 femmes. Réclusion, 64, dont 10 femmes. Travaux publics, 29. 3 mois de prison et au-dessous, 432. Emprisonnement de 3 mois à 1 an, 1622, dont 90 femmes et un enfant. Emprisonnement de plus d'un an, 1344, dont 15 femmes et 4 enfants. Surveillance de la haute police, 147, dont une femme. Amende, 9. Enfants au-dessous de 16 ans envoyés en correction, 56. Total, 13 450, dont 197 femmes. Ce rapport ne mentionnait ni les condamnations prononcées par les conseils de guerre hors de la juridiction de Versailles, ni celles des cours d'assises. Il faut ajouter 15 condamnations à mort, 22 aux travaux forcés, 28 à la déportation dans une enceinte fortifiée, 29 à la déportation simple, 74 à la détention, 13 à la réclusion, un certain nombre à l'emprisonnement. Le chiffre total des condamnés à Paris et en province dépassait 13 700, parmi lesquels 170 femmes et 60 enfants. Lissagaray, histoire de la commune de Paris. La première étape de notre voyage eut lieu dans une vaste voiture. Nous ne devions trouver qu'à Langres la voiture cellulaire qui nous conduisit jusqu'à La Rochelle. Lorsque notre voiture traversa Langres, près de la place des Boulets, je crois, des ouvriers au nombre de 5 ou 6 sortirent de l'atelier. Leurs bras nus étaient noirs. Ils devaient être des forgerons. Ils nous saluèrent en ôtant leurs casquettes. L'un d'eux, à la tête toute blanche, jeta un cri que je crus reconnaître pour celui de « Vive la commune ». Malgré le roulement plus rapide de la voiture qu'un violent coup de fouet avait enlevé. La nuit, nous arrivâmes à Paris. On couchait dans la voiture cellulaire. Le mercredi, vers 4 heures de l'après-midi, nous étions à la maison d'arrêt de La Rochelle. La Comète nous transporta de La Rochelle à Rochefort, où nous montâmes à bord de la Virginie. Des barques amies avaient tout le jour accompagné la Comète. De ces barques, on nous saluait de loin, on répondait comme on pouvait, agitant des mouchoirs. Je pris mon voile noir pour leur dire adieu, le vent ayant emporté mon mouchoir. Pendant 5 ou 6 jours, on côtoyait les côtes, puis plus rien. Vers le 14e jour, disparurent les derniers grands oiseaux de mer. Deux nous accompagnèrent quelque temps encore. Nous étions dans les batteries basses de la Virginie, une vieille frégate de guerre à voile, belle sur les flots. La plus grande cage de tribord arrière était occupée par nous et les deux petits enfants de Madame Leblanc, le garçon de 6 ans, la fille de quelques mois, née à la prison des chantiers. Dans la cage en face de la nôtre étaient Henri Rochefort, Henri Place, Henri Ménager, Passedouet, Wolowski, et un de ceux qui n'ayant rien fait furent tout de même déportés et qui s'appelait Chevrier. Il était expressément défendu de se parler de cage à cage, mais on le faisait tout de même. Rochefort et Madame Lemel commencèrent à être malades dès le premier instant et finirent au dernier. Il y en eut parmi nous qui le furent aussi, mais aucune pendant tout le voyage. Pour moi, j'échappais au mal de mer comme au bal, et je me reprochais vraiment de trouver le voyage si beau, tandis que dans leur cadre, Rochefort ni Madame Lemel ne jouissaient de rien. Il y avait des jours où la mer étant forte, le vent soufflant en tempête, le sillage du navire faisait comme deux rivières de diamants se rejoignant en un seul courant qui scintillait au soleil un peu loin encore. Le 19 septembre, un bâtiment étrange et par moments en vue, tantôt forçant de voile, tantôt diminuant. Dans la soirée, il y a une manœuvre, deux coups de canon à blanc, le bâtiment disparaît. C'est la nuit. On revoit les voiles blanches au fond de l'ombre. Il ne revient plus. Ce navire voulait-il nous délivrer? Le 22 septembre, des hirondelles de mer se posent sur les mâts. Voici les Canaries. Nous sommes en vue de Palma. Bien souvent, j'ai pensé au continent, englouti sous les mers, qui sans doute nous couvriront en quittant le lit, laissant un tombeau pour en sceller un autre, sans arrêter le progrès éternel. Des baies ouvertes au vent, au loin le pic de Tenerife. Plus loin encore, un sommet bleu perdu dans le ciel. Est-ce le mont Caldera ou des sommets de nuages? Les maisons de Palma semblent sortir des flots, toutes blanches comme des tombes. Au nord, sur une colline, c'est la citadelle. Les habitants qui viennent apporter des fruits sur le navire sont magnifiques. Peut-être ce sont ces gouanches dont les aïeux habitaient l'Atlantide. Puis Sainte-Catherine, Brésil, où la Virginie chassant sur ses ancres, nous pouvions découvrir tout le demi-cercle de hautes montagnes dont les sommets se mêlent aux nuages. D'un côté, à droite, des navires qui entrent dans le port, une forteresse assise. Sur la hauteur d'un des côtés de notre cage, on voyait par les sabords. Il y avait aussi l'heure de promenade sur le pont où l'on voyait mieux encore. La haute mer du Cap fut pour moi un ravissement. Je n'avais jamais vu, avant la Commune, que Chaumont et Paris, et les environs de Paris avec les compagnies de marche de la Commune, puis quelques villes de France, entrevues des prisons, et j'étais maintenant, moi qui toute ma vie avais rêvé les voyages, en plein océan, entre le ciel et l'eau, comme entre deux déserts où l'on n'entendait que les vagues et le vent. Nous vîmes la mer polaire du sud où, dans une nuit profonde, la neige tombait sur le pont. Comme de partout, il m'en resta quelques strophes. Dans les mers polaires, la neige tombe, le flot roule, l'air est glacé, le ciel est noir, le vaisseau craque sous la houle et le matin se mêle au soir. Formant une ronde pesante, les marins dansent en chantant, comme un orgue à la voix tonnante, dans les voiles souffle le vent. De peur que le froid ne les gagne, ils disent au pôle glacé, un air des Landes de Bretagne, un vieux bardit du temps passé. Et le bruit du vent dans les voiles, cet air si naïf et si vieux, la neige, le ciel sans étoiles, de larmes emplissent les yeux. Cet air est-il un chant magique, pour attendrir ainsi le cœur? Non, c'est un souffle d'armorique, tout rempli de genêts en fleurs. Et c'est le vent des mers polaires, tonnant dans ses trompes d'airain, les nouveaux bardis populaires de la légende de demain. Sur la Virginie, L. Michel. Je n'étais pas la seule à dire comme l'idée m'en venait en dessin ou en vers, l'impression des régions que nous traversions. Rochefort m'envoya un jour ceux qui suivent dont j'eus un double plaisir, parce que c'était la preuve qu'il avait encore la force d'écrire malgré le mal de mer. À ma voisine de tribord arrière. J'ai dit à Louise Michel, nous traversons pluie et soleil. Sous le cap de Bonne Espérance, nous serons bientôt tous là-bas. Eh bien, je ne m'aperçois pas que nous ayons quitté la France. Avant d'entrer au gouffre amer, avions-nous moins le mal de mer. Mêmes efforts sous d'autres causes, quand mon cœur saute à chaque bond, j'entends pays qui répond. Et moi suis-je donc sur des roses? Non loin du pôle où nous passons, nous nous heurtons à des glaçons. Poussés par la vitesse acquise, je songe alors à nos vainqueurs. Ne savons-nous pas que leurs cœurs sont aussi durs que la banquise? Le phoque entrevu ce matin m'a rappelé dans le lointain. Le chauve rouer aux mains grasses et ces requins qu'on a pêchés semblaient des membres détachés de la commission des grâces. Le jour, jour de grande chaleur, où l'on déploya les couleurs de l'artimon à la misaine, je crus, dois-je m'en excuser, voir Versailles se pavoiser pour l'acquittement de Bazaine. Nous allons voir sur d'autres bords les faibles mangés par les forts. Tout comme le prêchent nos codes, la loi, c'est malheur aux vaincus. J'en étais déjà convaincu avant d'aller aux antipodes. Nous avons, être imprudents, bravé bien d'autres coups de dents. Car ceux dont la main s'est rougie dans les massacres de Karnak donneraient aux plus vieux Kanaks des leçons d'anthropophagie. Ira-t-on comparer jamais l'osage qui fait des mets des corps morts trouvés dans les havres à ses amis de feu César qui, pour le moindre Balthazar, s'offrent 30 000 cadavres? L'osage, on ne peut le nier, assouvit sur son prisonnier des fringales souvent fort vives, mais avant de le cuire à point, il lui procure un embonpoint qui fait honneur à ses convives. Je connais un Pantagruel non moins avide et plus cruel. Les enfants, les vieillards, les femmes que tu guettes pour ton dîner, avant de les assassiner, ô Mac Mahon, tu les affames. Puisque le vaisseau de l'État vogue de crime en attentat dans une mer d'ignominie, puisque c'est là l'ordre moral, saluons l'océan austral et restons sur la Virginie. Il y fait trop chaud ou trop froid, je ne prétends pas qu'elle soit précisément hospitalière. Quand on marche dans le Grésil, près d'un soldat dont le fusil menace l'avant et l'arrière. Seulement qu'un grain fait incliner, le vent peut le déraciner. Le flot peut envahir la cale, mais ces ducs, déteints et pâlis, crois-tu qu'ils n'aient aucun roulis sur leur trône de chrysocale? Que nous soyons rêveurs ou fous, nous allons tout droit devant nous. Tandis, et c'est ce qui console, qu'à les regarder s'agiter, on devine, à n'en pas douter, qu'ils ont détraqué leur boussole. Nous pouvons sombrer en chemin, mais je prévois qu'avant demain, sans me donner pour un oracle, leur sort sera peu différent, qui veut défier les courants, étant porté par la débâcle. Henri Rochefort, novembre 1873, à bord de la Virginie. Combien de lettres et de vers furent échangés sur la Virginie, car la défense de correspondre quand on est si près ne compte pas. Il y avait des récits simples et grands, de bien des déportés, des vers dont la pensée, sous une forme abrupte, était superbe. Une dédicace écrite par un camarade trop zélé protestant sur le premier feuillet d'une Bible avait un parfum de myrrhe. J'ai gardé la dédicace, mais envoyé par-dessus bord la Bible, au requin. Tous ces fragments, à part les vers de Rochefort, retrouvés entre les feuillets d'un livre, ont disparu dans les perquisitions, après le retour de Calédonie. Ceux que je lui envoyais ne me sont pas restés non plus. Je cite le fragment dans le voyage. À bord de la Virginie. Voyez des vagues aux étoiles poindre ces errantes blancheurs, des flottes sont à pleine voile dans les immenses profondeurs, dans les cieux des flottes de monde, sur les flots les facettes blondes de phosphorescentes lueurs. Et les flottantes étincelles et les mondes au loin perdus brillent ainsi que des prunelles, partout vibrent des sons confus. Au seuil des légendes nouvelles, le coq gaulois frappe ses ailes, au guilan neuf brunu. L'aspect de ces gouffres enivre, plus haut au flot, plus fort au vent. Il devient trop cher de vivre, tant ici les songes sont grands. Il vaudra bien mieux ne plus être et s'abîmer pour disparaître dans le creuset des éléments. Enfler les voiles aux tempêtes, plus haut au flot, plus fort au vent. Que l'éclair brille sur nos têtes, navire en avant. Pourquoi ces brises monotones? Ouvrez vos ailes, ô cyclone, traversons l'abîme béant. À bord de la Virginie, 14 septembre 73. J'ai raconté bien des fois comment pendant le voyage de Calédonie, je devins anarchiste. Entre deux éclaircies de calme où elle ne se trouvait pas trop mal, je faisais part à Madame Lemel de ma pensée sur l'impossibilité que n'importe quel homme au pouvoir puisse jamais faire autre chose que commettre des crimes, s'ils sont faibles ou égoïstes. Être annihilés s'ils sont dévoués et énergiques. Elle me répondit, c'est ce que je pense. J'avais beaucoup de confiance en la rectitude de son esprit, et son approbation me fit grand plaisir. La chose la plus cruelle que j'aie vue sur la Virginie fut le long et épouvantable supplice qu'on fait subir aux albatros, qui, aux environs de Cap de Bonne-Espérance, venaient par troupeaux autour du navire. Après les avoir pêchés à l'hameçon, on les suspend par les pieds pour qu'ils meurent sans tacher la blancheur de leurs plumes. pauvre mouton du cap, que tristement et longtemps ils soulevaient la tête, arrondissant le plus qu'ils pouvaient leur cou de cygne afin de prolonger la misérable agonie qu'on lisait dans l'épouvante de leurs yeux aux cils noirs. Je n'avais rien vu encore d'aussi beau que la mer furieuse du cap, les courants déchaînés des flots et du vent. Le navire, plongeant dans les abîmes, montait sur la crête des vagues qui le battaient en brèche. La vieille frégate, que pour nous on avait remise à flot, demi-brisée, se plaignait, craquait, comme si elle allait s'ouvrir, s'en allant en cap sèche comme un squelette de navire, et debout pareil à un fantôme, son mât de misaine plongé dans le gouffre. Enfin la Nouvelle-Calédonie fut en vue. Pour la plus étroite des brèches de la double ceinture de corail, la plus accessible, nous entrons dans la baie de Nouméa. Là, comme à Rome, sept collines bleuâtres, sous le ciel d'un bleu intense, plus loin, le mont d'or, tout crevassé de rouge, terre aurifère. Partout des montagnes, aux cimes arides, aux gorges arrachées, béantes d'un cataclysme récent. L'une des montagnes a été partagée en deux. Elle forme un V dont les deux branches, en se réunissant, feraient rentrer dans l'alvéole les rochers qui pendent d'un côté à demi arrachés, tandis que leur place est vide de l'autre. Comme on cherche toujours bêtement à faire aux femmes un sort à part, on voulait nous envoyer à Bouraille, sous prétexte que la situation y est meilleure, mais pour cela même nous protestons énergiquement et avec succès. Si les nôtres sont plus malheureux à la presqu'île Ducos, nous voulons être avec eux. Enfin, nous sommes conduits à la presqu'île sur la chaloupe de la Virginie. Tout autre transport ne nous inspire nulle confiance. Le commandant l'a compris. Et, sur sa parole seulement, nous consentons à quitter la Virginie. Nous avions fait le projet, Madame Lemel et moi, de nous jeter à la mer si on s'obstinait à nous faire conduire à Bouraille, et d'autres, je crois, l'eussent fait aussi. Les hommes, débarqués depuis plusieurs jours, nous attendaient sur le rivage avec les premiers arrivés. Nous trouvons là le père Malezieux, ce vieux de juin dont la tunique, au 22 janvier, avait été criblée de balles. La cour, celui qui, à Neuilly, était si furieux contre moi à cause de l'orgue. Il y a, chez le cantinier, un beau et intelligent canac qui, pour apprendre ce que savent les Blancs, s'est fait garçon cantinier. Nous retrouvons Cipriani, Ravin, Bauer, le père Croiset, de l'état-major de Dombrowski, notre ancien ami Colo, Olivier Pain, Grousset, Collet de Taillac, Grenet, Burlot du comité de vigilance, Charbonneau, Fabre, Champy, une foule d'amis un peu de partout, des groupes blanquistes, de la corderie du Temple, des compagnies de marche, Rochefort, Place, tous ceux de la Virginie sont casés chez les premiers arrivés. Nous avions reçu un premier courrier sur la Virginie. Il nous parvint intact. Le commandant nous fit même constater que nos lettres n'avaient point été ouvertes, les marins, disait-il, n'étant pas des policiers. Mais à la presqu'île Ducos, on recommença à visiter les correspondances. Ne demandez plus jamais une longue lettre à ceux qui, pendant des années, ont écrit ainsi à lettre ouverte. Je songeais, en débarquant à la presqu'île, à l'un de mes plus anciens amis, Verdure. « Où donc est Verdure ?» demandai-je, étonné de ne pas le voir avec les autres. Il était mort. Les correspondances, restant naturellement 3 et 4 mois en chemin, avaient été longtemps à se régulariser. Verdure, ne recevant de lettres de personne, prit un chagrin dont il mourut. Un paquet de lettres qui lui avait été adressé arriva quelques jours après sa mort. Une fois les courriers régularisés, on pouvait avoir au bout de 6 à 8 mois une réponse à chaque lettre. Il y avait un courrier tous les mois. Mais ce qu'on recevait en avait 3 ou 4 de date. Et pourtant, quelle joie que l'arrivée du courrier! On montait à la hâte la petite butte au-dessus de laquelle était la maison de Wagmestre, près de la prison, et comme un trésor, on emportait les lettres. Quand elles avaient été au départ en retard d'un jour ou d'une heure, il fallait attendre au mois suivant. Les déportés avaient fait fête à Rochefort et à nous. Pendant 8 jours, on se promena dans la presqu'île comme en partie de plaisir. Il y eut ensuite, chez Rochefort, c'est-à-dire chez Grousset et Pain, où sa chambre en torchis avait été préparée, un dîner où Daoumi vint en chapeau à haute forme, ce qui donnait une touche burlesque à son profil de sauvage. Il chanta, de cette voix grêle des Kanaks, une chanson du pays de Lifon, avec l'écart de ton étrange que plus tard il voulut bien me dicter. Cacop, très beau, très bon. Mea moa, rouge ciel. Mea gui, rouge hache. Mea yep, rouge feu. Mea rouilla, rouge sang. Anda dio pura, salut à Dieu. Matel, matel, kachma, homme brave. Ce couplet seul m'est resté. Il y avait à ce dîner une petite fille d'une douzaine d'années, Eugénie Piffaut, avec ses parents. Elle avait de si grands yeux d'un bleu pareil au ciel calédonien qu'ils éclairaient tout son visage. Elle dort au cimetière des déportés, entre un rocher de granit rose et la mer. Henri Sueran fit pour elle un monument de terre cuite que peut-être ont respecté les cyclones. Ceux qui mouraient là-bas avaient pour les accompagner le long cortège des déportés, vêtus de toile blanche, ayant à la boutonnière une fleur rouge de cotonnier sauvage, qui ressemble à de l'immortel. Ce défilé, par les chemins de la montagne, était vraiment beau. Le cimetière était déjà peuplé et fleuri. Sur le tertre de Passe-d'Oie étaient des couronnes venues de France. Sur celui qui recouvre un petit enfant, Théophile Place, croît un eucalyptus. Il y avait pendant la déportation des fleurs sur toutes les tombes. Un suicidé, Muriot, dort sous le niaouli. Le premier qui était mort s'appelait Beuret. Le cimetière garda son nom. La baie de l'Ouest a gardé celui de Baie Gentelet, du premier qui y bâtit son gourbi. La ville de Numbo, qui faisait penser à la ville de Troyes, se bâtissait peu à peu, chaque nouvel arrivant y ajoutant sa case de briques de terre séchées au soleil. Numbo, dans la vallée, avait la forme d'un C, dont la pointe Est était la prison, la poste, la cantine. La pointe Ouest, une forêt dont l'avancée sur de petits mamelons était couverte de plantes marines, en train de se faire terrestre. La transformation avait pu s'accomplir grâce aux flots qui les baignaient de temps à autre. Au milieu du C, c'était la ville s'adossant à une hauteur à l'extrémité de laquelle était la forêt Nord. Sur la route demeurait la famille Dubot. L'hospice dominait les maisons, placées au-dessus de deux baraques en planches face à face l'une de l'autre. L'une était pour les femmes, l'autre n'avait pas encore de destination. Je lui en trouvai une, en y réunissant quelques jeunes gens à qui Verdure avait commencé à donner des leçons. Certains avaient des aptitudes réelles. Sénéchal, Mousseau, Muriot, qui tout à coup fut pris de nostalgie et voulut mourir, étaient des poètes. Il y a entre la forêt ouest et la mer une ligne de rochers volcaniques, les uns debout, pareils à des menhirs gigantesques, les autres semblables à des monstres couchés sur le rivage. De grandes dalles de lave couvrent une partie du rivage. Le mât des signaux domine la forêt ouest. Les hirondelles le couvrent d'un nuage noir. Deux fois par an, les lianes qui couvrent la forêt se chargent de fleurs, presque toutes blanches ou jaunes. Les feuilles ont toutes les formes possibles. Celles du tarot sont en fer de flèche, d'autres en forme de feuilles de vigne. La liane à pommes d'or fleurit comme l'oranger. La liane fuchsia couvre le sommet des arbres d'une neige de pendants d'oreilles d'un blanc de lait. Une liane à feuilles de trèfle fleurit en corbeille suspendue à un fil et pareille à la fleur vivante du corail. Une autre liane a pour fleur des milliers de pendants d'oreilles rouges. Les arbustes sont couverts de minuscules œillets blancs. La pomme de terre arborescente est un arbuste ayant de petits tubercules à sa racine. La fleur et la graine sont semblables à celles des pommes de terre. Le haricot arborescent dont la fleur bleue est ombrée de noir est la seule peut-être qui ne soit pas jaune, blanche ou rouge. La couleur violette est représentée par des minuscules pensées sauvages qui croissent parmi de petits lisserons roses et de grands résédas sans odeur. Du ricin partout, dans les forêts, sur les rochers, dans les brousses. Pendant les derniers jours, alors qu'on allait revenir, ayant demandé depuis longtemps des vers à soie de ricin, j'aperçus bon nombre de ricins qui en étaient couverts. Dans ce pays, les plantes à coton sont multiples. Les insectes qui filent sont en grand nombre. L'araignée à soie tend dans les bois ses gros fils argentés. Là, nul animal n'a de venin, mais beaucoup fascinent leur proie. Le scorpion attire à lui les insectes, la mouche bleue fascine le cancrelat, le flatte, le charme, et l'emmène dans un trou où elle le suce. chaque arbre a son insecte pareil à son écorce ou à sa fleur. La chenille du niaouli ne se distingue pas de la branche. D'innombrables familles de punaises, chaque arbre a la sienne, y brillent comme des pierres précieuses. Elles sont sans odeur. Comme en nos bois les fraises, les forêts de Calédonie sont rouges de petites tomates, grosses comme des cerises, odorantes et fraîches. Des milliers d'arbustes aux fleurs d'héliotrope, aux bois blancs et creux comme le sureau, ont une baie semblable aux murs de ronces pressées. Elle donne une goutte de jus, pareille au vin de Madère. La graine guillochée d'une liane à fleurs jaunes trouvait jadis son analogie dans une tortue dont la race a disparu. La carapace était décorée des mêmes guillochures. L'animal vivait sans membres, autres que le cou et la tête, sous les mers où se trouvent les carapaces vides, vers les rives. Sur un morne émerge une algue marine aux raisins violets. Elle s'étend plus vivante encore que dans les flots. Elle se fait terrestre, s'attachant peu à peu au sol. C'est bien ainsi que se forme et se développe de la plante à l'être des organes nouveaux suivant les milieux. Ainsi, nous ne savons pas nous servir encore de l'organe rudimentaire de la liberté. Vienne le cyclone qui fera le monde nouveau. L'être s'y acclimatera comme ses fucus s'acclimatent à la terre après l'onde mouvante. La mouche-feuille, la psia, qui vole pareil à un bouquet de feuilles, et quelquefois la mouche-fleur, plus rare encore, me sont apparues, l'une 4 fois en 10 ans, l'autre 2 dans les bois. Quand un niaouli, dont nul ne sait l'âge, s'effondre tout à coup, on aperçoit dans la poussière qui fut l'arbre des insectes plus étranges encore dont la race a disparu, et qui se multipliaient sous le triple feuilletage de la blanche écorce, depuis des siècles sur des siècles. Ils meurent au contact de l'air qui n'est pas le leur. 2 fois par an, tombe apportée par les vents des déserts la neige grise des sauterelles. Quand ces abeilles de sable ont passé, plantation, feu des forêts, herbe des brousses, tout est dévoré. Les troncs d'arbres même ont des morsures. Peut-être en les balayant dans des fosses profondes, on obtiendrait des engrais nécessaires à la mince couche de terre végétale. Les sauterelles n'attaquent qu'en dernier lieu les ricins, qui longtemps restent verts, sur le dessèchement général. J'ai raconté que j'avais demandé des œufs de ver à soie de ricin ou même de mûrier pour les acclimater aux ricins. Mais les savants à qui je me suis adressé les faisaient d'abord venir à Paris au lieu de me les faire envoyer directement de Sydney, qui est à 8 jours de la Calédonie. Dans les diverses pérégrinations, ils étaient toujours éclos. J'aurais dû penser qu'ayant l'arbre, il y avait l'insecte et chercher avec plus de persévérance. Au milieu de la forêt ouest, dans une gorge entourée de petits mamelons, encore imprégnés de l'odeur âcre des flots, est un olivier dont les branches s'étendent horizontalement comme celles des mélèzes. Jamais aucun insecte ne vole sur ses feuilles vernies, au goût amer. Ses fruits, de petites olives, sont vernis aussi et d'un vert sombre. Quelle que soit l'heure et la saison, une fraîcheur de grotte est sous son ombre. La pensée y éprouve, comme le corps, un calme soudain. Eh bien, en introduisant sous l'écorce d'un arbre chargé d'insectes, de la sève de celui-là, par des injections, elle se mêle à la sève de l'arbre. Les insectes ne tardent pas à le quitter. On peut, dans ce pays où la sève est puissante, traiter les plantes comme les êtres. Il m'est arrivé une année où, à la presqu'île du Côte où les papayeurs mouraient de la jaunisse, d'en vacciner ainsi quelques-uns avec la sève des papayers malades. 4 ont survécu sur 5. Tous ceux de la presqu'île sont morts. Vers le milieu de la forêt ouest était un figuier banyan qui fut coupé peu avant notre départ. Jamais je ne vis insectes plus étranges que ceux qui se cachaient à l'ombre de ce banyan dans les multiples crevasses du rocher. De gros vers blancs comme les larves des hannetons, mais ayant sur la tête des cornes à ramures pareilles à celles des rennes. Une espèce de bourgeon noir est au commencement recouverte d'une sorte de linceul. C'est la première étape de quelque insecte inconnu, peut-être des psyas. Si l'alcool ne nous eût été interdit, on eût pu conserver de ces étranges insectes en voie de transformation. Entre la forêt ouest et Numbo, des niaoulis, tordus par les cyclones, se suivent espacés comme des fils de spectres. leur tronc blanc dans les grands clairs de lune apparaissent étranges, des branches pareilles à des bras de géants se lèvent, pleurant l'asservissement de la terre natale. Quand les nuits sont obscures, on voit sur les niaoulis une phosphorescence. La chenille du niaouli est de la couleur des branches. Elle se métamorphose en une sorte de demoiselle, dont les ailes et le corps se confondent avec les feuilles de l'arbre. La feuille du niaouli donne une sorte de thé amer. Sa fleur, plus que l'opium, plus que le haschich, procure un sommeil aux rêves fantastiques, bercés par un rythme pareil à celui des flots. Les takatas, prêtres, médecins, sorciers des Kanaks, prennent de l'infusion de fleurs de niaouli pour se donner la vision du pays des Blancs et d'autres, regardés comme prophétiques. Le niaouli est l'arbre sacré. Les seuls animaux sont l'oiseau à lunettes assez familier pour lorgner de tout près ce qu'on fait, le cajou. Le notou, pigeon en rugissement de fauve, quelques tortues sur la grande terre, des lézards partout, de grands serpents d'eau dont les crochets sont trop courts. Du reste, nulle plante, nul animal n'ont de venin en Calédonie. Le vampire calédonien, la roussette, grande chauve-souris à tête de renard, ne boit pas même de sang. Elle se nourrit de cocos plus souvent que de petits oiseaux. Les grenouilles abondent, croassant avec des voix formidables. Mouches bleues, guêpes, cancrelats, deux fois par an la neige grise des sauterelles et toujours les moustiques par nuée, une multitude de poissons de toutes sortes et de toutes les couleurs, quelques chats sauvages, descendants de ceux qui y furent laissés par Cook, devenus pêcheurs et qui, à force de s'appuyer sur les pattes de derrière en sautant, ont pris quelque analogie avec la forme du lapin, pas d'autres bêtes dangereuses que les requins. Telle est à peu près toute la faune calédonienne. N'oublions pas l'énorme rat venu de quelques épaves de navires. Je disais que les animaux calédoniens sont sans venin. S'ils n'en ont point pour l'homme, entre eux, ils en aient autrement. La mouche bleue pique le cancrelat avant de lui crever les yeux. Il est probable qu'elle lui injecte une sorte de curare. La guêpe, qui mure dans son nid d'autres mouches, les anesthésie pour qu'elles servent vite encore à la nourriture de ses petits qu'elle pond autour des victimes. Parmi les bruyères roses au sommet des mamelons de la forêt ouest dans des rocs écroulés, comme des ruines de forteresses, des lianes aux feuilles transparentes et fragiles, aux fleurs embaumées, sont la retraite de grands mille-pieds, qui s'enlacent comme des serpents autour d'autres insectes après les avoir attirés. Dans ces mêmes bruyères roses, une araignée brune velue comme un ours dévore son mari une fois qu'il ne lui plaît plus, ayant eu soin de l'attacher dans sa toile. Un autre monstre d'insectes, une araignée, encore laisse travailler à sa toile des araignées plus petites, que sans doute il mange à son loisir. La troisième année seulement de notre séjour à la presqu'île du Caux, nous avons vu des papillons blancs. Sont-ils triannuels ou serait-ce le résultat de la nourriture nouvelle, apportée aux insectes par les plantes d'Europe semées à la presqu'île? Souvent je revois ces plages silencieuses où tout à coup, sur les palétuviers, on entend sans rien voir clapoter l'eau sous quelques combats de crabes, où la nature sauvage et les flots déserts semblent vivre. Tous les trois ans dans les cyclones, les vents et la mer hurlent, rauquent, mugissent les bardis de la tempête. Il semble alors que la pensée s'arrête et qu'on soit porté par les vents et les flots entre la nuit du ciel et la nuit de l'océan. Parfois, un éclair immense et rouge déchire l'ombre, d'autres fois, il est livide. Le bruit formidable de l'eau qui se verse par torrents, les souffles énormes du vent et de la mer, tout cela se réunit en un chœur magnifique et terrible. Les cyclones de nuit sont plus beaux que les cyclones de jour. La mer a des phosphorescences superbes par les nuits calédoniennes, où dans le bleu intense du ciel les constellations semblent tout près. Il n'y a point de crépuscule en Calédonie, mais un instant où le soleil, en disparaissant, embrase la mer. La case de Rochefort était sur la hauteur, celle de Grenet dans un trou de rocher entouré d'un jardin qui tenait la moitié de la montagne. Quand l'ennui le prenait, il attaquait à grands coups de pioche la terre marâtre, faisant concurrence à Gentelet qui retournait l'autre flanc des hauteurs, tout un côté du Crève-Cœur. En tournant un peu sur le chemin de Tendu, c'était la case de l'Heureux, où il jouait de la guitare. Elle avait été fabriquée à la presqu'île même, en bois de rose, par le père Croisset, dont la case était sur le même chemin. de l'autre côté, encore non loin de la poste, sur une petite hauteur, la case de place, où naquirent son aîné mort tout petit et ses deux filles, en descendant celle de Balzin qui, sous prétexte qu'il était de l'Auvergne, changeait en ustensiles à notre usage les vieilles boîtes de conserve. Il se livrait aussi à la chimie, faisant de l'essence de niaouli de concert avec le vieux blanquiste Chaussade. Une case toute couverte de lianes près de la baraque des femmes, c'était celle de Penny, ayant avec lui sa femme et ses enfants, l'une Augustine, née à la Presqu'île. Plus loin, la forge du père Malézieux, où il nous fait avec des vieux bouts de fer, des serpes, des outils de jardin, une foule de choses. La case de la cour tout auprès, puis celle de Provins, l'un des tambours des fédérés qui a le plus furieusement bâti la générale au jour où Paris devait être debout. Avec deux ouvertures qui ont l'air de fenêtres, une belle corbeille d'euphorbe devant l'entrée et dedans quelque chose qui ressemble à une bibliothèque, c'est la case de Bauer. Celle de Champy, toute petite, est sur la hauteur de Numeau. Un jour que nous étions sept ou huit autour de la table, on pensa la défoncer en appuyant chacun de son côté. Au nord aussi est la maison à ogive verte de Regère. Il y a encore la grande case de Kersisik, du côté de l'hospice où demeure Passedouet en attendant sa femme. Celle de Burlot, toute seule en haut du côté du père Royer, le vieux Mabile au bord de la mer, attendu. Je les revois toutes. L'énumération tiendrait un volume. Toutes ces pauvres cases de briques crues, couvertes en paille des brousses qui, vues des hauteurs, avaient l'air d'une grande ville des temps antiques. L'évasion de Rochefort et de cinq autres déportés, Jourde, Olivier Pain, Pachard Grousset, Buyère et Grand-Île, affola l'administration calédonienne. Un conseil de guerre fut réuni. Le gouverneur Gautier de la Richerie était en voyage d'exploration sur un des navires qui gardait les déportés. Le second navire était à l'île des Pins. Il y avait déjà 48 heures que les évadés étaient partis. Tous les gardiens tremblaient de peur d'être révoqués. Ils étaient autant plus furieux que la gaieté était plus grande à la presqu'île du Caux. Les surveillants virent, en faisant l'appel, que Rochefort, Olivier Pin, Grand-Île manquaient. La vérité ne fut pas de suite comprise. Les déportés, l'ayant saisi plus vite, répondaient des choses telles que ceci. À l'appel de Bastien Grantil, quelqu'un s'écria « Il a des bottes, Bastien, il est allé les mettre. » Et comme on appelait désespérément Henri Rochefort, les uns dirent « Il est allé allumer sa lanterne. » D'autres « Il a promis de revenir. » D'autres encore « Va-t'en voir s'ils viennent. » Trop inquiets pour pouvoir punir en ce moment, les autorités se réservaient pour plus tard. Le spectacle de la franche gaieté qui régnait parmi les déportés mettait les chiourmes dans une telle rage qu'ils déchirèrent des rideaux bien innocents de tout cela, en allant reconnaître s'ils ne trouveraient à la case des évadés rien qui les mît sur la trace. Personne n'avait vu les fugitifs depuis le jeudi. On était au samedi. Ils étaient sauvés. Le cantinier du Cerf, dont la barque avait été employée par Grantil pour venir au devant des évadés de la presqu'île, eut 15 jours de cachot. La malheureuse barque, quoique plongée à l'aide de grosses pierres dans la mer, s'étant tout à coup retournée par l'effort des flots et s'étant remise à flotter, ce qui avait paru démontrer la complicité de Ducerf. Tout est bien qui finit bien. La barque non seulement fut payée, mais le brave homme, obligé de partir pour Sydney, y devint plus à son aise qu'il n'eût pu l'être à Nouméa, où le commerce est peu de choses, à part la traite des naturels sous forme d'engagement. Quelques pages de mes mémoires chez Roy Éditeur, rue Saint-Antoine, contiennent des lettres racontant la conduite du gouvernement colonial de Calédonie à l'occasion de l'évasion de Rochefort. Après l'évasion de Rochefort, Messieurs Aleyron et Ribourg, envoyés pour terrifier la déportation, probablement afin d'y faire revenir Rochefort, eurent le ridicule d'envoyer pendant un certain temps sur les hauteurs autour de Numbo des factionnaires qui avaient l'air de jouer la tour de Nesle avec décor grandiose. On entendait à intervalles réguliers au sommet des montagnes « Sentinelle, garde à vous ». Et par les nuits claires, les silhouettes noires des factionnaires se dessinaient sur les cimes dans le clair de lune intense. Quelques-uns de ces factionnaires avaient de belles voix. C'était charmant. On sortait sur les portes des cases pour les entendre et les voir. Puis les voix s'enrouèrent. On était blasé sur les silhouettes. Cela devint moins attrayant, mais c'était toujours joli. Après les choses ridicules, il y eut les choses odieuses. Les déportés furent privés de pain. Un malheureux à demi insensé par l'effroi des choses vues fut visé comme on aurait fait d'un lapin, parce qu'il rentrait un peu après l'heure dans sa concession. On ne se privait pas sous Aileron et Ribourt de faire passer en fraude des lettres où leur conduite était mise au grand jour par les revues de Sydney ou celles de Londres. Il me reste quelques lettres de celles qui furent insérées ainsi. Presqu'île du Caux, 9 juin 1875. Chers amis, voici les pièces officielles du transfèrement dont je vous ai parlé. Transfèrement auquel nous n'avons consenti qu'après qu'il eût été fait droit à nos protestations. Premièrement, sur la forme dans laquelle l'ordre avait été donné. Deuxièmement, sur la manière dont nous habiterions ce nouveau baraquement. Il est de fait qu'occuper un coin ou l'autre de la presqu'île nous est fort indifférent. Mais nous ne pouvions supporter l'insolence de la première affiche. Nous devions poser nos conditions et ne consentir au changement de résidence qu'une fois ces conditions remplies. C'est ce qui a été fait. Voici copie de la première affiche posée le 19 mai 1879 à Numbo. C'est sous forme d'affiche que les ordres du gouvernement nous sont transmis, et avec la formule « le déporté un tel » numérotant qu'on répond. Décision, 19 mai 1875. Par ordre de la direction, les femmes déportées dont les noms suivent quitteront le camp de Numbo le 20 du courant pour aller habiter dans la baie de l'Ouest le logement qui leur est affecté. Louise Michel, numéro 1. Marie Smith, numéro 3. Marie Cailleux, numéro 4. Adèle Delfossé, numéro 5. Nathalie Lemel, numéro 2. La femme Dupré, numéro 6. Voici nos protestations. Numbo, 20 mai 1875. La déportée Nathalie Duval, femme Lemel, ne se refuse pas à habiter le baraquement que lui assigne l'administration, mais il fait observer, premièrement, qu'elle est dans l'impossibilité d'opérer elle-même son déménagement, deuxièmement, qu'elle ne peut se procurer le bois nécessaire à la cuisson de ses aliments et le débiter, troisièmement, qu'elle a construit deux poulaillers et cultivé une portion de terrain, quatrièmement, en vertu de la loi sur la déportation qui dit « Les déportés pourront vivre par groupe ou par famille et leur laisse le choix des personnes avec lesquelles il leur plaît d'établir des rapports. La déportée Nathalie Duval, femme Lemel, se refuse à la vie commune si ce n'est dans ces conditions. » Nathalie Duval, femme Lemel, numéro 2. Protestation, Numbo, 26 mai 1875. La déportée Louise Michel, numéro 1, proteste contre la mesure qui assigne aux femmes déportées un domicile éloigné du camp comme si leur présence y était un scandale. La même loi régit les déportés, hommes ou femmes. On ne doit pas y ajouter une insulte non méritée. Pour ma part, je ne puis me rendre à ce nouveau domicile sans que les motifs pour lesquels on nous y envoie étant honnêtes soient rendus publics par affiche ainsi que la manière dont nous y serons traités. La déportée Louise Michel déclare que dans le cas où les motifs seraient une insulte, elle devra protester jusqu'au bout, quoi qu'il lui en arrive. Louise Michel, numéro 1. Le lendemain de nos protestations, on nous prévint à déménager dans la journée, chose que nous nous empressâmes de ne pas faire, ayant bien résolu de ne pas quitter Numbo avant qu'on eût fait droit à nos justes protestations et déclaré que nous étions prêtes jusque-là à aller en prison si on voulait, mais nullement à nous déranger pour déménager. Affirmant du reste qu'une fois l'affiche insolente réparée et nos logements disposés à la baie de l'Ouest de façon à ne pas nous gêner les unes les autres, nous n'avions nulle raison pour préférer une place à l'autre. Allée et venue, menace du gardien-chef qui, fort embêté, revint à cheval vers le soir pour nous paraître plus imposant, pétarade du cheval qui, s'ennuyant de la longue pause de son maître devant nos cases, le remporte plus vite qu'il ne veut au camp militaire. Arrivé, 3 ou 4 jours après, du directeur de la déportation accompagné du commandant territorial qui promettent par une seconde affiche de faire droit à nos réclamations et de séparer en petites cases où nous pourrions habiter par 2 ou 3 comme nous voudrions le baraquement de la baie de l'Ouest, de façon à laisser se grouper celles dont les occupations étaient semblables. Une partie des engagements fut d'abord remplie, mais tant qu'ils ne le furent pas complètement, il fut impossible de nous faire quitter Numbo. et comme il n'y avait pas de place pour nous à la prison, on se décida à aller jusqu'au bout. Nous sommes maintenant à la baie de l'Ouest, et c'est triste pour Madame Lemel, qui ne peut guère marcher tant elle est souffrante. C'est pourquoi je n'ose me réjouir du voisinage de la forêt que j'aime beaucoup. Tel est sans passion, Nicolas, le récit de notre transfèrement de nouveau Presqu'île Ducos à la baie de l'Ouest, également Presqu'île Ducos. Louise Michel, numéro 1, baie de l'Ouest, 9 juin 1873. La lettre qui suit aurait dû être la première par ordre de date. Elle parvint plus tard à la revue australienne où elle fut insérée. 18 avril 1876, Numbo, New Caledonia. Chers amis, par les différentes évasions qui ont eu lieu depuis peu, vous devez connaître à peu près la situation où se trouvent les déportés, c'est-à-dire les vexations, abus d'autorité, etc., dont messieurs Ribourg, Aleyron et consorts se sont rendus coupables. Vous savez que sous l'amiral Ribourg, le secret des lettres fut ouvertement violé, comme si les quelques hommes qui ont survécu à l'hécatombe de 71 fissent peur aux assassins à travers l'océan. Vous savez tous que sous le colonel Aleyron, le héros de la caserne Lobo, un gardien, tira sur un déporté, chez ce déporté. Il avait, sans le savoir, enfreint les limites pour aller chercher du bois. Quelque temps auparavant, un autre gardien avait tiré sur le chien du déporté Croiset qu'il blessa entre les jambes de son maître. Visait-on l'homme ou le chien? Que de choses depuis. Il me semble que j'en vais beaucoup oublier tant il y en a. Mais on se retrouvera. Vous avez su déjà qu'on privait de pain ceux qui, se conformant simplement à la loi de la déportation, se présentent aux appels sans se ranger militairement sur deux lignes. La protestation à ce sujet fut énergique, montrant que malgré les divisions introduites parmi nous par des gens complètement étrangers à la cause et qu'on y a jeté à dessein, les déportés n'ont point oublié la solidarité. On a depuis privé de vivres, à l'exception du pain, du sel et des légumes secs, 45 déportés, comme s'étant montré hostile à un travail qui n'existait que dans l'imagination du gouvernement. 4 femmes ont été également privées comme laissant à désirer sous le rapport de la conduite et de la moralité, ce qui est faux. Le déporté Langlois, mari d'une de ces dames, ayant répondu énergiquement pour sa femme qui ne lui a jamais donné aucun sujet de mécontentement, a été condamné à 18 mois de prison et 3 000 francs d'amende. Place d'Iverlet, ayant également répondu pour sa compagne, dont la conduite mérite le respect de toute la déportation, à 6 mois de prison et 500 francs d'amende, et de plus, ce que rien au monde ne pourrait lui rendre, son enfant né pendant sa prison préventive est mort par suite des tourments éprouvés par sa mère qui le nourrissait. Il ne lui fut pas permis de voir son enfant vivant. D'autres déportés ont été condamnés. Cipriani, dont la dignité et le courage sont connus, a 18 mois de prison et 3 000 francs d'amende. Fourni, condamnation à peu près semblable pour lettre insolente bien méritée par l'autorité. Dernièrement, le citoyen Malezieux, doyen de la déportation, se trouvant assis le soir devant sa case en compagnie des déportés qui travaillaient avec lui, un gardien ivre l'accusa de tapage nocturne, le frappa et il fut de plus mis en prison. Chez nos aimables vainqueurs, le plaisant se mêle au sévère. Les gens qui ont le plus travaillé depuis leur arrivée sont sur la liste des retranchés. Un déporté se trouve porté à la fois sur les deux listes. Le journal officiel de Nouméa en fait preuve. Sur l'une, comme puni pour refus de travail, sur l'autre, comme récompensé pour son travail. Je passe une provocation faite à l'appel du soir quelques jours avant l'arrivée de M. de Pritzbuer. Un gardien connu pour son insolence menaçait les déportés. Son revolver à la main, le plus profond mépris fit justice de cette provocation et de bien d'autres. Depuis, messieurs Aleyron et Ribourg cherchèrent à se justifier. Il est probable que d'autres listes de retranchés vont faire suite à la première, et comme le travail n'existe pas, toutes les communications ayant été coupées depuis trop longtemps pour qu'on ait rien tenté, et, de plus, le métier d'un certain nombre de déportés exigeant des premiers frais qu'il leur est impossible de faire, vous pouvez juger de la situation. Dans tous les cas, ces choses auront servi à dévoiler complètement jusqu'où peut descendre la haine des vainqueurs. Il n'est pas mauvais de le savoir, non pour les imiter. Nous ne sommes ni des bourreaux ni des geôliers, mais pour connaître et publier les hauts faits du parti de l'ordre afin que sa première défaite soit définitive. Au revoir, à bientôt peut-être, si la situation exige que ceux qui ne tiennent pas à leur vie la risquent pour aller raconter là-bas les crimes de nos seigneurs et maîtres. Louise Michel, numéro 1. On comprendra sans peine, d'après ces quelques faits, pourquoi, à la demande de déposition qui me fut faite au retour, je répondis comme suit. Chambre des députés, commission numéro 10. À Monsieur le Président de la Commission d'enquête sur le régime disciplinaire de la Nouvelle-Calédonie. Paris, 2 février 1881. Monsieur le Président, je vous remercie de l'honneur que vous me faites de m'appeler en témoignage sur les établissements pénitentiaires de la Nouvelle-Calédonie. Mais tout en approuvant la lumière que nos amis jettent sur les tourmenteurs lointains, je n'irai pas en ce moment, tandis que Monsieur Gallifet, que j'ai vu faire fusiller des prisonniers, est le chef de l'État. Y déposer contre les bandits à Layron et Ribourt. S'il privait de pain les déportés, s'il les faisait provoquer à l'appel par des surveillants le revolver au poing, si on tirait sur un déporté rentrant le soir dans sa concession, ces gens-là n'étaient pas envoyés là-bas pour nous mettre sur des lits de roses. Quand Barthélemy Saint-Hilaire est ministre, Maxime du camp de l'Académie, quand il se passe des faits comme l'expulsion de Cipriani, celle du jeune Morphy et tant d'autres infamies, quand M. de Gallifet peut de nouveau étendre son épée sur Paris et que la même voix qui réclama toutes les sévérités de la loi contre les bandits de la Villette s'élèvera pour absoudre et glorifier Aleyron et Ribourt, j'attends l'heure de la grande justice. Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de mon respect. Louise Michel. Lorsque, vers 77, l'extrême gauche demanda au ministre Baillot, je crois, pourquoi tant d'hommes honorables étaient exclus de l'amnistie, il répondit que certains exclus avaient repoussé la grâce et revendiqué leur responsabilité. « Pourquoi, répliqua Clémenceau, voulez-vous que ceux qui ont été frappés oublient les horreurs de la répression? Vous dites, nous n'oublions pas. Si vous n'oubliez rien, vos adversaires se souviendront. Il avait raison, Clémenceau. Nous repoussions la grâce, parce qu'il était de notre devoir de ne point abaisser la révolution pour laquelle Paris fut noyé de sang. La fin de ma lettre du 18 avril avait trait à un projet que nous entretenions, Madame Rastoul et moi, au moyen d'une boîte allant pleine de fils ou autres objets de ce genre de la presqu'île Ducos à Sydney où elle demeurait. Les lettres étaient entre deux papiers collés au fond de la boîte. Il s'agissait qu'une nuit, après l'appel, je pouvais, par les sommets des montagnes, gagner le chemin de la forêt nord après les postes de gardiens et par la forêt nord, par le pont des François, où, en fait d'eau, il n'y a le plus souvent qu'une boue marine, arriver en observant quelques précautions à Nouméa par le cimetière. De là, quelqu'un que Madame Rastoul devait prévenir m'eût aidé à gagner le courrier qu'elle eût payé. Une fois à Sydney, j'aurais tâché d'émouvoir les Anglais par le récit des hauts faits d'Aileron et de Ribourt, et nous espérions qu'un brick monté par de hardis marins reviendrait avec moi chercher les autres. Faute de quoi je serais moi-même revenu, quand nous n'étions que 20 femmes déportées. Il fallait les 20 ou personne. Ce fut notre boîte qui ne revint pas. J'ai su en passant à Sydney à mon retour que c'était au moment même où je devais recevoir l'avertissement convenu pour effectuer notre projet que lettres et boîtes avaient été livrées. L'administration de New Caledonia ne me parla jamais de ce projet surpris au moment de la réussite. Mémoire de Louise Michel, de 304 à 313. 69 femmes de déportés étaient venues sur le transport Le Fénelon partager courageusement la misère de leur mari. Quelques mariages eurent lieu à la presqu'île. Henri Place y épousa Marie Cailleux, jeune fille d'une grande douceur qui vaillamment s'était battue aux barricades pendant les jours de mai. L'Anglais avait épousé Élisabeth de Guy. Les ménages de déportés étaient assez nombreux. Mesdames Dubot, Arnold, Pain, Dumoulin, Delaville, Leroux, Piffaut et plusieurs autres avaient refait à leurs mains une vie de famille. Des petits-enfants grandissaient sous les niaoulis. Plus heureux que ceux de nos seuls asiles avait été la maison de correction parce qu'ils étaient fils de fusillés. Les déportés simples à l'île des Pins étaient privés plus que nous de correspondance puisqu'ils étaient à 20 lieues en mer, sans autre communication possible que lettres par l'administration. Les uns devenaient fous comme Albert Grandier, rédacteur du Rappel, dont le crime était quelques articles. Les autres perdaient patience, devenaient irascibles. quatre furent condamnés à mort et exécutés pour avoir frappé un de leurs délégués. L'un d'eux n'était que l'ami des autres et n'avait pris part à rien. On les fit passer devant leur cercueil, ce qu'ils firent en souriant, délivrés de la vie. Le peloton d'exécution tremblait. Les condamnés durent rassurer les soldats. Ils saluèrent les déportés et attendirent sans pâlir. L'administration ne voulut pas rendre leurs cadavres. On peignit les poteaux en rouge et ils demeurèrent à la même place pendant le reste de la déportation. Les déportés de l'île des Pins, lorsqu'ils étaient condamnés à la prison, venaient subir leur peine à la presqu'île du Caux. Ainsi, nous savions la tristesse de leur vie. Le 11 mars 75, 20 déportés de l'île des Pins tentèrent sur une barque construite par eux-mêmes de s'enfuir vers l'Australie. Le 18 mars de la même année, les débris de l'embarcation furent jetés à la côte. Pas un vêtement, pas un bout de couverture, pas un cadavre. Ont-ils été dévorés par les requins ou les naturels de quelqu'un de ces archipels d'îlots dont l'océan est constellé? Les auront-ils emmenés si loin parmi ces îlots ignorés qu'ils n'auraient pu gagner d'autres terres? Ces 20 se nommaient Rastou, Sauvé, Savy, Demoulin, Gagné, Berger, Chabrouti, Roussel, Sorel, Ledru, Leblanc, Louis, Masson, Duchesne, Galut, Guigne, Adam, Barthélemy, Palma, Gilbert, Eda. Ce même 18 mars où furent trouvés les débris de leur barque, mourait Maroto à l'hospice de l'île Nou. L'île Nou, c'est le plus sombre cercle de l'enfer. Là étaient Alman, Amourou, Brissac, Alphonse Humbert, Le Vieux, Caria, Fontaine, D'Acosta, Lisbonne, Lucipia, Roc de Filol, Trinquet, Urbain, etc. Étant les plus éprouvés, ils nous étaient les plus chers. Mis à la double chaîne, traînant le boulet près de ceux qui étaient réputés les pires criminels, ils subirent d'abord leurs insultes, puis s'en firent respecter. Deux bras qui s'arrondissent en face l'un de l'autre au-dessus non pas d'une tête, mais d'une petite rade, c'est la presqu'île Ducos et l'île Nou entre les deux épaules. C'est Nouméa au fond de la rade. De la baie de l'ouest, on voit les bâtiments de l'île Nou, la ferme, une batterie de canons du même côté. Combien longtemps on restait sur le rivage contemplant cette terre désolée. Vers la fin de la déportation, ceux de l'île Nou vinrent habiter la presqu'île Ducos. Ce fut une joyeuse fête, la seule qu'on eut depuis 71, mais elle compta largement. L'administration se sert contre les évasions, des canaques plus brutes que les autres, dressés à attacher les évadés à un bâton qu'ils portent à deux les bras et les jambes liés ensemble, de la même façon qu'ils font pour les porcs. C'est ce qu'on appelle la police indigène. Il est surprenant qu'on n'en ait pas encore fait venir à Paris quelques compagnies disciplinées pour les aider et réciproquement qu'on n'en envoie pas en France. Tous les canaques ne sont pas corrompus de cette manière. Ils ne purent supporter les vexations qu'on leur faisait endurer et engagèrent une révolte qui comprenait plusieurs tribus. Les colons, ceux que protégeait l'administration, s'entend, avaient enlevé une femme canaque. Leurs bestiaux allaient pâturer jusque sur la porte des cases. On leur distribuait des terres ensemencées par les tribus. La plus brave de ces tribus, celle du grand chef Ataï, entraîna les autres. On envoyait les femmes porter des patates, des taros, des ignames, dans les cavernes. La pierre de guerre fut déterrée et le soulèvement commença. Du côté des canaques, avec des frondes, des saguets, des casse-têtes. Du côté des blancs, avec des obusiers de montagne, des fusils. Toutes les Andes d'Europe. Il y avait près d'Ataï un barde d'un blanc olivâtre, tout tordu et qui chantait dans la bataille. Il était Takata, c'est-à-dire médecin, sorcier, prêtre. Il est probable que les prétendus albinos vus par Cook dans ces parages étaient quelques représentants d'une race à sa fin, peut-être Aria, égarés au cours d'un voyage ou surpris par une révolution géologique et dont Andia était le dernier. Andia le Takata, qui chantait près d'Ataï, fut tué dans le combat. Son corps était tordu comme les troncs de Niaouli, mais son cœur était fier. Circonstance étrange, une cornemuse avait été faite par Andia, d'après les traditions de ses ancêtres. Mais sauvage comme ceux avec qui il vivait, il l'avait faite de la peau d'un traître. Andia, ce barde à la tête énorme, à la taille de nain, aux yeux bleus pleins de lueur, mourut pour la liberté de la main d'un traître. Ataï lui-même fut frappé par un traître. Suivant la loi Canac, un chef ne peut être frappé que par un chef ou par procuration. Nondo, chef vendu à l'administration, donna sa procuration à Segon en lui remettant l'arme qui devait tuer Ataï. Entre les cases Nègre et Amboa, Ataï, avec quelques-uns des siens, regagnait son campement quand, se détachant de la colonne des Blancs, Segon indiqua le grand chef reconnaissable à la blancheur de neige de ses cheveux. Sa fronde roulée autour de sa tête, tenant de la main droite un sabre conquis sur les gendarmes, de la gauche un tomahawk, ses trois fils autour de lui et avec eux le barde Andia, qui se servait de la sagaie comme d'une lance, Ataï fit face à la colonne des Blancs. Il aperçut Segon. « Ah ! Dit-il, te voilà !» Le traître chancela sous le regard du vieux chef, mais voulant en finir, il lui lance une sagaie qui lui traverse le bras droit. Ataï alors lève le tomahawk qu'il tenait du bras gauche. Ses fils tombent, l'un mort, les autres blessés. Andia s'élance criant « Tango, Tango, maudit, maudit » et tombe frappé à mort. Alors, à coups de hache comme on abat un chêne, Segon frappe Ataï. Le vieux chef porte la main à sa tête à demi détachée et ce n'est qu'après plusieurs coups encore qu'il devient immobile. Le cri de mort fut alors poussé par les Canaques, allant comme un écho à travers les montagnes. À la mort de l'officier français Gailly Passebock, les Canaques saluèrent leur ennemi de ce même cri de mort parce qu'avant tout, ils aiment les braves. La tête d'Ataï fut envoyée à Paris. Je ne sais ce que devint celle d'Andia. Que sur leur mémoire chante ce bardit d'Ataï. Le Takata dans la forêt accueillit l'Adouéke, l'herbe de guerre, la branche des spectres. Les guerriers se partagent l'Adouéke, qui rend terrible et charme les blessures. Les esprits soufflent la tempête, les esprits des pères. Ils attendent les braves amis ou ennemis. Les braves sont les bienvenus par-delà la vie. Que ceux qui veulent vivre s'en aillent. Voilà la guerre. Le sang va couler comme l'eau. Il faut que l'Adouéke aussi soit rouge de sang. Mémoire de Louise Michel, chez Roy, éditeur. Ataï, aujourd'hui évangé, le traître qui prit part à la révolte avec les Blancs, dépossédé, exilé, comprend son crime. Parmi les déportés, les uns prenaient parti pour les Canaques, les autres contre. Pour ma part, j'étais absolument pour eux. Il en résultait entre nous de telles discussions qu'un jour, à la baie de l'Ouest, tout le poste descendit pour se rendre compte de ce qui arrivait. Nous n'étions que deux, criant comme 30. Les vivres nous étaient apportés dans la baie par des domestiques, des surveillants qui étaient canaques. Ils étaient très doux, se drapaient de leur mieux dans de mauvaises guenilles, et on aurait pu facilement les confondre pour la naïveté et la ruse avec des paysans d'Europe. Pendant l'insurrection canaque, par une nuit de tempête, j'entendis frapper à la porte de mon compartiment de la case. « Qui est là ? » demandai-je. « Taïo, » répondit-on. Je reconnus la voix de nos canaques apporteurs de vivres. « Taïo » signifie « ami ». C'était eux, en effet. Ils venaient me dire adieu avant de s'en aller à la nage par la tempête rejoindre les leurs, pour battre méchants blancs, disaient-ils. Alors, cette écharpe rouge de la commune que j'avais conservée à travers mille difficultés, je la partageai en deux et la leur donnai en souvenir. L'insurrection canaque fut noyée dans le sang, les tribus rebelles décimées. Elles sont en train de s'éteindre, sans que la colonie en soit plus prospère. Un matin, dans les premiers temps de la déportation, nous vîmes arriver dans leur grand burnois blanc des Arabes déportés pour s'être, eux aussi, soulevés contre l'oppression. Ces Orientaux, emprisonnés loin de leurs tentes et de leurs troupeaux, étaient simples et bons et d'une grande justice. Aussi ne comprenaient-ils rien à la façon dont on avait agi envers eux. Bauer, tout en ne partageant pas mon affection pour les Canaques, la partageait pour les Arabes. Et je crois que tous nous les reverrions avec grand plaisir. Ils avaient gardé une affection enthousiaste pour Rochefort. Hélas, il en est qui sont toujours en Calédonie et n'en sortiront probablement jamais. L'un des rares qui sont revenus, Elmo Crani, étant venu à l'enterrement de Victor Hugo, vint à Saint-Lazare, où j'étais alors, et croyait pouvoir me parler. Mais ne s'étant pas muni d'une permission, cela fut impossible. Pendant les dernières années de la déportation, ceux dont les familles étaient restées en France et à qui la séparation semblait longue, ceux surtout qui avaient des petits-enfants, recevaient des lettres où on leur parlait d'une amnistie prochaine. Le temps se passait sans que l'amnistie arrivât. Les malheureux qui avaient cru sur la foi d'amis imprudents mouraient promptement, Nombreux et souvent, on s'en allait en longue file par les chemins de la montagne vers le cimetière qui s'emplissait largement. De ce temps encore, quelques vers me sont restés. Par les clairs de lune superbes, les niaoulis au tronc blanc se tordent sur les hautes herbes, tourmentés par l'effort des vents. Là, des profondeurs inconnues, les cyclones montent aux nues, et l'âpre vent des mers pleurant toutes les nuits, de ses gémissements couvre les froids proscrits. Les niaoulis, etc. Sur les niaoulis gémissent les cyclones, sonnez au vent des mers vos trompes monotones. Il faut que l'aurore se lève, chaque nuit recèle un matin, pour qui la veille n'est qu'un rêve. Les flots roulent, le temps s'écoule, le désert deviendra cité, sur les mornes que bat la houle. S'agitera l'humanité, nous apparaîtrons à ces âges, comme nous voyons maintenant devant nous ces tribus sauvages, dont les rondes vont tournoyant. Et de ces races primitives, se mêlant au vieux sang humain, sortiront des forces actives, l'homme montant comme le grain. Sur les niaoulis gémissent les cyclones, sonnez au vent des mers vos trompes monotones. Fin de chapitre 1.